yeux, nourris toi un maximum. À chaque nouveau lieu, lâche tes humeurs. Tous des lutteurs, tous des prêteurs. Ici, beaucoup de non-fumeurs. On est la preuve vivante que la drogue, c'est pas notre moteur. Ma plume, c'est une piqûre, alors considère-moi comme un docteur. La musique que j'expose fait bonne figure. Ce que je propose n'incite à aucun cas. Jardin secret emmène dans une atmosphère chaleureuse. Ma motivation est rageuse, elle a aussi toujours été curieuse. Toutes les idées sont les bienvenues. C'est une bonne accueil, droit à l'occasion d'avoir un aperçu déçu de voir des réactions. De starlet, je veux réussir, commence par faire une maquette. Viens, approche, enclenche la poignée. C'est place à l'allégresse. C'est avec ivresse que je m'approprie cette jeunesse.